Temps de veille, de Violaine Schwartz. Épisode 5, état de veille. Moi, j'étais mécanicienne chez Veille. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi et tout. Pour nous toutes, c'était les mêmes gestes, les mêmes machines, les mêmes pointeuses, la même poussière, le même bruit dans les oreilles. Moi, je vais voir un ORL toutes les semaines. Moi, j'en rêve encore la nuit. Moi, j'ai les mains toutes déformées. Moi, je regrette ma jeunesse. Pourtant, chacune a son parcours, chacune sa couture, chacune son époque. Il y en avait une portugaise, qui avait la voix d'Amalia Rodriguez. Mais elle chantait, oh, à merveille. On vous en a déjà parlé? Elle chantait sur le bruit des machines. Oh, ça vous filait des frissons dans le dos. Et il y en avait une autre, c'était épouvantable. Elle chantait toujours la même chanson, une vraie scie. Dès qu'elle se mettait à la machine, c'était... Mais tombe la neige, impassible la neige. En boucle. Mais tombe la neige, impassible la neige. Comme un disque rayé. On n'attendait qu'une chose, c'était qu'elle disparaisse sous une avalanche de neige. Moi, c'était plutôt du Francis Cabrel ou du C. Jérôme. Quelque chose vient de tomber sur les lames de son plancher. Toujours le même film qui passe. C'est toute seule au fond de l'espace. Pourtant, on n'était pas seul dans l'atelier. Quelle cohue là-dedans. Chacune ses rêves de vie meilleure. L'une recto, l'autre verso. L'une braguette, l'autre veston. L'une au premier, l'autre au quatrième. L'une avec le chef Braillard. Mais comment il s'appelait déjà? L'autre avec le coureur de jupons. Qu'est-ce qui nous collait, celui-là? Non, mais c'est vrai. C'est comme ça que ça marchait aussi. Personne n'ose le dire. Pourtant, ça y allait. Quelle saloperie, celui-là. Si tu lui répondais, tu le payais très cher. Pour me punir, il m'avait envoyé à la presse. Il savait très bien qu'on n'aimait pas. Avec la vapeur, il faisait 40-45 degrés là-dedans. C'était épuisant. La vapeur, elle colmatait la poussière sur les fenêtres. On voyait rien au travers. Rien? Ah, rien. C'était vraiment le 19e siècle. Celui qui travaillait là-bas, c'est qu'il était obligé. Moi, j'ai jamais eu d'étrenne. Jamais. Je savais pourquoi je me laissais pas faire, c'est tout. Mais ça fait mal au cœur quand même. Un jour, le braillard, il m'a engueulé. Je sais plus pourquoi, il braillait tout le temps. Et moi, tout à coup, mais ras-le-bol d'être maltraité, ras-le-bol d'être mal considéré, ras-le-bol de tout ça. Je lui ai répondu droit dans les yeux. C'est fini, à partir d'aujourd'hui, je vous interdis de me dire tu. Vous me dites vous comme à quelqu'un que vous connaissez pas. Oh, quelle histoire! Prends ta blouse, dégage, rends-moi ta carte de pointage. T'es mise à pied 3 jours. Il voulait me muter dans un autre atelier. Mais moi, je suis partie. Terminée, veille, terminée. L'une grande gueule, l'autre timide. L'une rapide, l'autre moins. On avait un protège-doigt pour enfiler l'aiguille dans la machine et le fil dans l'aiguille. Mais le problème, c'est que ça nous gênait. Alors souvent, on l'enlevait. Et si vous aviez le malheur d'appuyer un peu sur la pédale, sans faire attention, ça pouvait arriver. Bam! Alors, c'était l'infirmerie et tout le Bataclan. Fallait aller vite. Vite, vite, vite. Je me souviens, un jour, il y en a une qui s'est pris la main entre la courroie et le volant de la machine. Elle avait les doigts tout écrasés. Il a fallu arrêter la chaîne. On savait que ça allait durer longtemps, parce qu'il fallait faire venir le mécanicien, l'emmener à l'infirmerie, et puis il n'y avait personne pour la remplacer, alors on savait que... On savait que le lendemain, on n'aurait pas de temps de pause, quoi. Et tout le monde pensait la même chose. Bon, ben c'est bien, ça sera pour nous demain, on l'a dans le babar. Parce que quand il y avait trop de retard, on nous sucrait la pause. L'une a bavassé dans l'escalier, l'autre a fumé en cachette dans les toilettes. L'une toujours en retard, l'autre a failloté avec le chef. On était comme en famille. Les patrons... Ça remplaçait les parents. Tu parles. Jamais un compliment d'eux. Jamais. Et pourtant, j'avais jamais de retard au boulot. Hein. Jamais une minute de retard. L'une amère, l'autre... L'autre aussi. Ça se résume en quelques mots. On voulait vivre, mais on n'avait pas le temps. On apercevait à peine la lumière du jour. C'était tout dégradé, tout abîmé, pas entretenu. On était jeunes, on avait de l'espoir... On vivait dans quelque chose d'horrible, mais on se disait, faut croire en la vie. Si tu crois pas, t'es fichu. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas moyen de grimper à l'intérieur. Il n'y avait pas moyen. On commençait à la chaîne, on finissait à la chaîne. Et puis c'est tout. Comme le pantalon. On part du début, on arrive à la fin. Et puis c'est tout. C'est tout. Maintenant l'usine, c'est plus qu'un souvenir. L'une en retraite, l'autre aussi. Et les machines... Nos machines. Elles continuent ailleurs. Elles fabriquent les mêmes gestes, les mêmes poches, les mêmes vestes, la même poussière, le même bruit dans les oreilles pour des jeunes filles qui rêvent d'une vie meilleure et qui chantent dans la chaleur de l'atelier avec la vapeur qui colmate la poussière sur les fenêtres. Le temps de veille de Violaine Schwartz avec Aurélie Nusillard, Pauline Bell, Sophie Doll, Mauricette Gourdon, Chantal Joblon, Véronique Alain, Élise Arpentinier. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Delphine Baudet, Yannick Magnien. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer et Pablo Valero. Réalisation, Laure Egoroff. D'après Tableau de veille de Violaine Schwartz, publié aux éditions POL.